Oh Yahweh, mpo nini okotika mwana na yo ya suka afeta atelengana. Pesa ye nguya amona lumière. Au loin ce sont les cloches de l'armague et donc j'entends. Entends, ces voix, ces cœurs, c'est important. Quand on lutte pour une véritable cause en chantant. Combien de temps, ton joie, ton pelle, ton sueur humaine. Et Africa, quel est ton DESTN? En tant que clan DESTN, à part révolter, on se tourne le champ de révolté post-PN. Le changement, dans combien de temps? Le respect pour mon continent, en continuant à subir. On se tire nos propres balles dans le crâne. Pire, combien de temps va tenir en s'obstinant? Combien de temps faut-il sous terre pour enfin l'ouvrir? Comment sourire d'air quand on plaide est en train de mourir? Africa, ouais. Terre, mer, d'amour, t'es dans la mire. Les larmes amères, nous on t'admirera jusqu'à la mort. Sur toi, tension et malédiction. Chez le noir, personne n'entend. Attention pour longtemps qu'on attend.